Chapitre 4e. Ce sont les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre existence. William Shakespeare. Nous avions alors en commun, le sieur Svarine et moi-même, deux choses. Notre attirance immodérée pour la connaissance et notre attrait pour les documents anciens. Je le compris dès le lendemain matin, lorsqu'après une courte nuit de sommeil, je me rendis dans la grande salle immergée de la lumière de l'aurore, qui offrait ses tons irisés à travers la verrière, et assise à même le sol, dos au mur, tel un scribe antique, je prenais des notes, établissant mes priorités de recherche. En premier lieu, trouver les documents les plus accessibles pour moi, langage, matériel, type de document. C'est ainsi que me trouva l'elfe gris, peu après l'aube. Il ne montra aucune surprise, mais un imperceptible froncement de sourcils, je compris qu'il ne pensait pas me trouver là, ni dans cette posture probablement. Néanmoins, je fus tout aussi surprise, lorsqu'après un bref salut très cérémonieux et tout distant, il s'assit lui aussi à même le sol, en face de moi, les mains sur les genoux, le dos droit, silencieux et attentif comme savent l'être les elfes. Je compris son désir de m'être accessible, et déjà reprise par mes projets, la tête dans mon carnet, je lui tendis sans maudire les notes que j'avais prises la nuit. S'il fut étonné de voir que j'avais écrit dans le langage que les elfes appellent langue des lettrés, il ne le montra pas, mais il se mit à lire attentivement le document, alors que je continuais d'écrire. Après un moment, toujours silencieux, il sortit de la besace que tous les elfes portent à la ceinture, une liasse de feuillets et m'entendit quelques-uns. Puis il prit son stylet et son encre et nota sur des feuilles des informations qu'il semblait retenir de mes notes. Au bout d'un moment, je jetai moi aussi un coup d'œil sur les feuillets qu'il m'avait tendus, et je constatai que sa démarche avait été la même que la mienne, établir un plan de travail qui semblait même compatible avec le mien. Avec le recul, je me dis que nous devions avoir l'air de drôles d'énergumènes tous les deux, assis par terre au milieu de la prestigieuse bibliothèque. Nous commençâmes à discuter ensemble afin de définir les premiers documents à lire et des premières recherches à faire. Svarine, qui est un puits de science, convenons-en, m'indiqua la salle des archives en haut elfique, que je maîtrisais déjà assez, afin que, suivant mon souhait, je puisse mieux comprendre les documents plus anciens et ainsi remonter le fil du temps jusqu'aux plus antiques chroniques. Je revins de la salle des archives, les bras chargés de documents précautionneusement serrés dans ma cape. Je trouvai à la place que nous occupions auparavant une table basse et de confortables coussins. L'elfe gris avait aussi fait apporter une réserve de stylets, plumes et porte-plumes, ainsi que des carnets et feuilles de papier destinées à prendre des notes. Nous passâmes ainsi cette première journée à compulser dans un silence étrange des livres et des documents dont des mots et des phrases nous guidaient vers un temps de plus en plus lointain. Le lendemain, nous fîmes de même. Certains érudits se joignaient parfois à nous, car la nouvelle de la venue de l'humaine fée s'était vite répandue, et les elfes, même sages et vertueux, comme les savants de la bibliothèque la plus précieuse du royaume, sont tout aussi curieux que les elfes communs, tant soit peu qu'un elfe puisse être commun. On m'abordait d'autant plus facilement que je demandais volontiers conseil et aide d'une façon qui devait sembler parfois comique, car je confondais les périodes, parfois même les noms des dynasties et des rois. Je garde cette période le souvenir d'un immense bourdonnement d'alphabets, de chiffres, de nouvelles connaissances, d'anecdotes. Tout un nouveau savoir se mêlait dans ma tête d'une façon parfois chaotique. Un rythme de travail s'installa. On ajouta au fil des jours quelques tables, de nouveaux sièges et bientôt une espèce de conseil se trouva formé. Avec quelques érudits, nous débattions jusque tard dans la nuit de sujets aussi disparates que l'histoire, la chimie, la linguistique et même la phonétique. Finalement, un soir, un vieux sage parla de la réserve sous la montagne de feu. « Il existe là, paraît-il, annonça le sage, un document sur les origines des alliances. Mais, ajouta-t-il, nul ne l'a jamais trouvé, ni recherché d'ailleurs, je pense, soupira-t-il presque avec regret. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard vers Svarine, qui, lui, regardait le vieux sage d'un air impénétrable. Lentement, son regard quitta le visage du vieil elfe, et se tourna vers moi avec une lenteur si mesurée que je compris son idée avant même de la lire dans son regard. Pour la première fois, nous sortîmes ensemble de la bibliothèque. Un nouveau Svarine se tenait devant moi. Son regard, habituellement froid et impavide, semblait fiévreux. Son pas, naturellement stoïque et mesuré, était empressé. Il se retourna d'un geste brusque. « Vous ne pouvez venir avec moi, j'irai seul. » Je me contentai d'un bref salut et je lui dis « Je comprends. » Ce lieu n'appartient qu'aux elfes. Je le laissai méduser dans le couloir et me dirigeai vers mes appartements lorsqu'il répéta « J'irai seul », mais j'avais déjà refermé ma porte. Le lendemain matin, avant l'aurore, je rejoignis Svarine alors qu'il sortait de la bibliothèque non par le lac d'Émeraude mais par les hauts quartiers, comme j'en avais eu l'intuition. Restait le plus difficile, ne pas me faire remarquer pendant la sortie des cataractes. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Bientôt, agile et rapide, l'elfe commença à parcourir la montagne, allant d'une crête à l'autre. À la tombée de la nuit, nous arrivâmes finalement au seuil d'un défilé devant lequel, à ma grande surprise, il sembla attendre. Il s'assit au pied d'un arbre et j'en fis de même, harassé de fatigue. Je somnolais presque, lorsqu'un léger craquement retentit sur ma gauche au fond du défilé. Svarine se leva tranquillement et s'avança directement vers la hauteur où je m'étais dissimulé. Il se planta à 5 pieds de moi, m'ignora superbement et fit un large salut à quelqu'un derrière moi. Je me retournai brusquement et, ébahi, je rencontrai les yeux moqueurs de Dean Moore et Yves Coeur. Ma déconvenue était si grande qu'ils eurent de la peine à ne pas éclater de rire, je crois. Mes yeux allaient de Dean Moore, le chaleureux à Svarine, le placide, pour venir se poser interrogatif sur Ilfgur, qui prit la parole et, me noyant sous un flot de détails, commença de m'expliquer à la façon tarabiscotée et en même temps subtile des nains. Je suis l'ami de Dean Moore, qui est l'ami de Svarine, qui est... Ce dernier l'interrompit avec sa froideur habituelle et mettant un genou en terre, de la façon la plus protocolaire qui soit. Voici Dean Moore, mon fidèle ami depuis l'enfance et le compagnon de quête depuis toujours. Nous sommes tous deux de la maison du noble prince Irimald. Ivgur est aussi mon ami, ajouta-t-il d'un air nonchalant comme pour faire passer l'énormité de la chose. Qu'un elfe gris ait pour ami un elfe rouge et un nain était un événement rarissime, voire unique. J'étais encore choqué par leur arrivée lorsque tous trois se mirent à préparer le campement pour dormir. Prise d'un doute, je lançai à la cantonade « Je vais avec vous demain, je ne vais pas repartir. » Svarine, occupée à allumer un feu pour y préparer la traditionnelle svampot, une soupe à base de champignons, ne broncha pas. Ce fut Dean Moore qui me rassura. « Votre légende vous précède, noble Elgara. C'est pour cela que Ivgur et moi-même avons répondu à l'appel de notre ami. » Ivgur laissa tomber les branches sèches qu'il venait de récolter pour attiser le feu pendant la nuit. Il bâilla bruyamment et lança. Si vous faites autant de bruit que vous avez fait aujourd'hui en suivant celui qui ne devait pas être suivi, nous n'arriverons jamais là où l'on ne doit pas aller. Puis il ajouta, narquois, il faut bien que quelqu'un protège notre ami. J'étais tellement soulagé que je m'inclinai devant Svarine, et il dut voir la sincérité de mes remerciements car il hocha la tête de son air altier. Le soir venu, comme si nous nous étions quittés la veille, nous discutâmes de tout et de rien, et nous arrivâmes à parler du sujet qui nous avait amenés à ce moment précis. Lorsque Svarine commença à parler de notre recherche à la bibliothèque et du document que nous pourrions trouver dans la réserve sur la montagne de feu, Dean Moore affirma « C'est une quête dangereuse. Le document doit être très important pour l'Elgara. » D'une même voix, Svarine et moi nous répondîmes ensemble « Il l'est. » Un bref silence suivit nos paroles et ce fut Ivgur qui conclut. Nous irons donc à la montagne sacrée. Nous partîmes le lendemain à l'aube. Une journée complète de marche nous séparait encore de la montagne sacrée, et la réserve sous la montagne était une indication bien vague. Cependant, Svarine semblait très confiant et guidait notre petite compagnie d'un pas sûr et alerte. Lorsque le soleil fut au zénith, nous fîmes une brève halte à la lisière d'une forêt avant de poursuivre vers les hauteurs. La forêt avait laissé la place à un amas de rocs sombres et immenses. Le vent que nous entendions seulement souffler au-dessus des arbres lorsque nous traversions la forêt s'engouffrait entre les roches en rafales violentes. « La première porte de la montagne sacrée !» me cria Ivgur en indiquant un gigantesque aplomb rocheux au-dessus de nous. L'aplomb nous abrita un instant du vent, mais bien vite nous reprîmes notre route. À la tombée du jour, nous arrivâmes sur un large plateau qu'étrangement les roches avaient laissé libre. Ou plus exactement, le plateau était entouré de blocs de pierre qui semblaient avoir été posés là en cercle assez régulier. Au milieu se trouvait une immense pièce plate de forme ronde, exactement ronde même, reprit Ivgur en souriant lorsque j'en fis la remarque. Nous nous installâmes entre deux des pilastres qui soutenaient la pierre, et après un frugal repas, composé de galettes de fruits, alors que nous nous préparions à passer la nuit autour du feu, Dinmour sortit un mince paquet de l'une des innombrables poches et me le tendit. « Le seigneur Grimald, » dit-il simplement. J'ouvris un peu fébrilement le paquet. Il contenait un manteau en soie si fine qu'il semblait impalpable. Pourtant, dès que je le mis, il créa autour de moi une douce et enveloppante chaleur. Une missive accompagnait son présent. Comme toujours, la poésie de chaque mot résonna en moi, et une fois ma lecture terminée, je susurrai à mes compagnons. « C'est le prince Grimald qui vous a envoyé, vous, chacun de vous. » « Oui, » fut la seule réponse de Dinmour. La poésie du prince semblait avoir chassé toute appréhension. Ifgur avait sorti sa longue pipe de bois, et mes compagnons commencèrent à réciter à la façon elfique de très vieilles ballades. Je m'endormis en écoutant le feu qui crépitait et mes amis qui chantonnaient de leur voix gutturale. Le lendemain, à l'aube, je me réveillai alors que mes compagnons étaient déjà en train d'explorer les alentours à la recherche d'un passage confortable. Je pris une galette de fruits et voulus regarder la pierre sous laquelle nous nous étions abrités. Au-dessus, un large cercle était tracé, parsemé de points et de marques singulières. Lorsque je réalisais ce que représentaient ces marques, je sursautais et fermai les yeux un instant. J'avais sous les yeux une carte du ciel avec certains détails troublants, une carte particulièrement précise même.